السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مرحبًا بكم جميعًا. Bienvenue à tous. On se retrouve encore une fois par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes dans le septième cours. Nous sommes toujours dans la sourate Abasa. Il s'est renfrogné. Et on va essayer de la finir aujourd'hui, inshallahu ta'ala. On s'était arrêté hier au verset numéro 24. قال الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. Que l'homme considère donc sa nourriture. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne et oriente l'être humain à regarder attentivement, à méditer sur la nourriture, d'où est-ce qu'elle est venue et de qui. Et qui d'autre a créé cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il cite ces versets pour que l'être humain prenne une leçon et qu'il en déduit et tire argument sur la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est bien fait sur lui. Il dit que l'homme considère donc sa nourriture. C'est-à-dire qu'il convient à l'être humain de se rappeler lors de ce verset la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Waqi'a, l'événement, du verset 63 à 67. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative: voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris. Et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier « Nous voilà endettés » ou plutôt exposés aux privations. Que l'homme considère donc sa nourriture, que cet être humain, notamment ce mécréant, celui qui renie l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui renie les bienfaits d'Allah azza wa jal, qu'il regarde vers sa nourriture, comment Allah subhanahu wa ta'ala la gère parfaitement. Anna sababna al-ma'a sabba. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, c'est nous qui versons l'eau abondante. C'est-à-dire, certes, c'est nous, Allah subhanahu wa ta'ala, qui avons fait descendre la pluie du ciel, des nuages, et c'est nous qui la versons sur la terre abondamment, avec force, pour qu'elle puisse pénétrer comme il faut dans la terre, afin que les graines qui sont dans la terre sortent et qu'elles deviennent cette terre humide parfaitement. Car si le versement de l'eau n'était pas abondante, elle n'aurait pas atteint et pénétré dans la terre. Et ça n'aurait pas fait naître les grains qui sont à l'intérieur de la terre. Cela montre que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite. Puis nous fendons la terre par fissure pour les grains. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا Et y faisons pousser grains. C'est-à-dire dans la terre, nous y faisons pousser toutes sortes de grains. Parmi les genres de nourriture délicieuse et d'aliments essentiels, agréables. Et le mot grain ici désigne toutes sortes de grains dont l'être humain se nourrit, comme le blé, le riz, le maïs, l'orge et beaucoup d'autres grains. وَعِنَبًا وَقَضْبًا Vignobles et légumes. Vigne, qui est connue. Hein? Et légumes. Donc ici, ils ont traduit par légumes. وَقَضْبًا Mais le mot ici, قَضْبًا, comme ils disent les savants, ceux qui ont expliqué ce verset, ils disent ici qu'il signifie la luzerne en français. Ce qu'on appelle la luzerne. L-U-Z-E-R-N-E. Et c'est une plante fourragère. Hein, que les bêtes mangent. C'est-à-dire qu'elle est utilisée pour l'alimentation du bétail. Et elle a beaucoup de bénéfices pour celui qui veut revenir et regarder les bénéfices de cette plante fourragère. Donc ici, c'est une plante fourragère qui signifie ici. وَزَيْتُونَ وَنَخْلَ Olivier et palmier. Qui sont connus. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité les quatre ici. وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا Vignoble et luzerne, olivier et palmier. Pour ses nombreux bienfaits et bénéfices. Allah subhanahu wa ta'ala les a cités ici. Spécifiquement. Pour ses nombreux bienfaits et bénéfices. Ensuite il dit... Allah subhanahu wa ta'ala wa hada'iqa ghulba jardin touffu c'est-à-dire des grands vergers et des jardins immenses dans lesquels il y a beaucoup d'arbres diversifiés qui s'entremêlent les uns des autres dû à leur quantité leur longueur leur force et leur solidité à l'exemple du palmier. Quand tu regardes le palmier, il est long, il est solide. Wa fakihatan wa abba, fruits et herbages. C'est-à-dire ici tout ce que les gens mangent comme fruits, comme les figues, les raisins, les pêches et les grenades et autres sortes de fruits diversifiés. Il y a ici le bienfait de la nourriture. Donc le bienfait de la nourriture, il a été cité avant. Mais aussi le bienfait des fruits pour le plaisir et la jouissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité au début, ils faisons pousser des grains, la nourriture délicieuse, les aliments essentiels qui sont agréables et bonnes. Et ensuite... C'est un plaisir et une jouissance pour l'être humain de pouvoir manger des fruits. Et herbage, il a dit. Wa abba, les herbes. C'est-à-dire ce que mangent les animaux, le bétail. C'est clair. Tayyib. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une comparaison ici, pour bien comprendre, pour dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé au début, comme on a vu, min ayyi shay'in khalaqa, min nutfatin khalaqahu faqaddara, la création de l'être humain. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala parle de la création, c'est-à-dire de la nourriture, des fruits, etc. Donc ici il y a une comparaison avec l'être humain. Comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Donc il l'a créé quoi? Comme on avait dit, une goutte de sperme, d'eau, d'une eau. Comme on a fait vivre la terre avec de l'eau. Puis l'être humain sort du ventre de sa mère. Comme le grain sort lorsque nous fondons la terre. Et ensuite, tout ce que l'être humain a subi dans sa vie, les étapes, les différentes étapes, etc., ce qu'il a vécu, c'est comme la poussée de la terre ici, comme a fait pousser comme nourriture et fruits, etc. Donc il faut méditer sur ça. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ces versets. Car il leur donne ici et oriente à l'être humain à regarder attentivement et à méditer. Naam, sur la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses bienfaits sur lui. Et notamment pour le mécréant qui renie les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que le jour du jugement et le jour de la résurrection et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire revivre les morts. Si Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer l'insan, l'être humain, ainsi que la nourriture, n'est-il pas capable de créer, de faire revivre les morts? Bien sûr qu'il est capable. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses et il est capable de toutes choses. Tayyib. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala clarifie et montre ensuite la sagesse de tous ces bienfaits qu'il a mentionnés. Et il dit, tout ce qu'on a mentionné, il dit « Mata'an lakum wa li an'amikum » pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. C'est-à-dire, nous avons fait pousser pour vous ces grains et ces fruits. Pour votre jouissance, ô vous l'humanité, nous avons fait pousser l'herbage, ces différentes pâtures pour vos bestiaux. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Hud, verset 6, il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Fin du verset. Tout cela font partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses bienfaits qui impliquent aux serviteurs de remercier Allah subhanahu wa ta'ala sur ces signes. Et qu'ils s'en rappellent constamment et qu'ils méditent dessus afin qu'ils tirent argument sur l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa capacité. Et sa miséricorde envers ses créatures. Alors à ce moment-là, il va s'humilier devant son Seigneur et l'adorer comme il se doit en étant sincère dans son adoration. Car ces choses, personne ne peut les créer. Personne n'est capable de cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Ni les statues, ni les tombeaux, ni les morts, ni les bien-aimés et les pieux, ni les anges, les prophètes. Personne ne peut les créer si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui seul qui mérite l'adoration et lui seul qui mérite le remerciement. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala montre ensuite que cette jouissance de tous ces bienfaits qu'on a cités, elle est provisoire, elle va s'arrêter. Car il y a le jour du jugement. Et c'est pour ça qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala « فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةَ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ » Puis quand viendra le fracas, الصَّاخَّةَ, c'est-à-dire l'immense cri, le cri du jugement qui fracassera les oreilles, car il a été appelé le fracas, car il viendra fracasser les ouïes par le bruit violent et soudain. Et c'est un nom parmi les noms du jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu immense et mis en garde ses serviteurs, comme on a parlé avant, le souffle de la trompe. Un jour terrible. Ce jour-là, les cœurs seront troublés, inquiets de ce qu'ils peuvent voir comme chose effrayante et terrible. Allah clarifie ensuite ce qui va arriver le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père et de sa compagne. Et de sa compagne, Afwan, c'est-à-dire son épouse, et de ses enfants. Car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour où l'homme s'enfuira de son frère. Le jour où l'homme s'enfuira des personnes les plus précieuses et aimer pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils disent les savants ici, il a commencé par son frère. Avant son père et sa mère et son épouse, etc. Car le frère est celui qui aide le plus son frère lors des difficultés dans cette dunya. Mais ce jour-là, personne ne pourra aider son frère. Ni son père et ni sa mère. Dans cette dunya, l'être humain, il est fort par ses frères, car il l'aide, etc. Mais ce jour-là, ils n'auront pas d'effet. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Et les gens de science disent que la personne va fuir les personnes les plus proches de lui. Pourquoi ? Car ce sont les personnes envers qui il avait beaucoup de devoirs et de droits. Donc de peur qu'ils lui réclament leurs droits, chacun vient et dit « Je veux tel droit et tel droit ». Hein, de peur qu'ils lui réclament leurs droits dans lesquels il a été négligent, il s'enfuira d'eux. Car personne ce jour-là ne voudra que quelqu'un vienne le voir pour réclamer quelque chose. Subhanallah. Regarde comment le criminel, on parle du criminel du mécréant ici, sera ce jour-là encore pire. Observe son état. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Ma'arij. Où nul ami dévoué ne s'enquerra d'un ami. Bien qu'il se voie l'un l'autre, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Mais rien ne le sauvera. L'enfer est un brasier. Subhanallah. Yani ce jour-là, personne ne pourra sauver l'autre. Pas de clémence, ni de compassion les uns envers les autres. Même les meilleurs des prophètes, ce qu'on a Ulul Azm, lorsque l'affliction et la difficulté s'intensifiera pour les gens ce jour-là, ils iront demander aux prophètes l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de les soulager de cette grande difficulté. Mais chaque prophète, en commençant par Adam, ensuite Nour, alayhi salam, puis Ibrahim, ensuite Moussa, puis Isa, mais chacun d'eux dira « Nafsi, nafsi ». Mon âme, je ne peux rien faire. Personne ne pourra rien faire. Mais ils finiront par aller voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et le meilleur des messagers et des prophètes. Ils lui demanderont l'intercession. Non pas pour être sauvés de l'enfer et ni de rentrer au paradis, mais plutôt de quitter la station du rassemblement ce jour terrible, pour être jugé et pour être reposé. Car comme on a dit, la difficulté elle va s'intensifier. Wallahu al-musta'an. Hein? Ceci est leur demande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, je suis celui qu'il faut. Car il est fier de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme gratitude. Il lui a accordé cette intercession. C'est alors qu'il demande la permission à son Seigneur et soudain il tombe en prosternation. Devant son Seigneur, il ne cessera de l'invoquer en étant prosterné et faire son éloge et il le louera jusqu'à ce qu'Allah lui dise « Oh Muhammad, relève ta tête, demande et on te donnera, intercède et on acceptera ton intercession. » Jusqu'à la fin du hadith, car c'est un hadith qui est long, il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim d'après Abu Huraira. Et il y a beaucoup de bénéfices à tirer de ce hadith. Et beaucoup de leçons à tirer. Et c'est pour cela que Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, nous dit et nous conseille, il dit ici, ceci est un jour terrible. Personne ne peut l'imaginer vraiment. Et il dit que nous sommes dans cette dunya, nous sommes insouciants de ce jour. Comme s'il n'allait pas être devant nous. Comme si nous n'allons pas ou comme si nous allons être sauvés de ce jour-là. Comme si nous n'allons pas être ressuscités et que nous allons rester morts. Cette insouciance, mais cela est impossible. Tout le monde va rencontrer ce jour. Terrible. Donc chacun doit se poser la question et doit œuvrer dans cette dunya et bonnes œuvres. Et il doit se préparer pour ce jour terrible comme on l'avait cité auparavant. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Comme on a dit, c'est-à-dire que chacun sera préoccupé par sa propre personne. Il ne regardera même pas vers autrui, ni à gauche, ni à droite, rien. Car le plus important pour lui sera de sauver sa propre personne. Comme on l'a vu dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha, dans le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés complètement nus et non circoncis. Et Aïcha a dit, est-ce que les hommes et les femmes seront ensemble les uns regardant les autres? Il dit, oh Aïcha, la situation sera trop grave pour qu'il pense à regarder. Wallahu al-musta'an. Et Allah subhanahu wa ta'ala clarifie ensuite que certes, les gens se diviseront en deux groupes ce jour-là. Wujuhun yawma idhin musfira, dahikatum mustabashira. Wa wujuhun yawma idhin alayha ghabara, tarhaquha qatara. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis. C'est-à-dire ce jour-là, le jour du jugement, les visages des croyants, des bienheureux seront rayonnants, lumineux et joyeux, car leur cœur sera rempli de joie, de bonheur et de tranquillité. Il apparaîtra sur le visage des croyants la lumière, le bonheur, et le sourire qui montre la perfection de leur bonheur. Hein? Ils se réjouisseront lorsqu'ils auront leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils rencontreront leur Seigneur et ce qu'il leur a préparé. Car ce sont les gens du paradis. Et on avait cité tous les délices et les bonheurs du paradis. Hein, les délices dont jouissent les habitants du paradis. Comme il est venu dans le hadith, d'après Jabir, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, les gens du paradis mangent et boivent, mais ils ne crachent pas, ne font pas leurs besoins et n'urinent pas. Ils ont dit, que devient la nourriture? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils rotent et ont de la sueur ayant le parfum du musc. Le tasbih et le tahmid leur est inspiré comme la respiration leur est inspirée. Regarde, subhanallah, la personne ayant le plus bas degré du paradis. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Al-Mughira, Ibn Shu'ba, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Moussa a demandé à son Seigneur, quel est celui qui a le plus bas degré des gens du paradis? Allah lui a répondu, certes, un homme qui va venir après que les gens du paradis soient rentrés dedans, et à qui on va dire, rentre dans le paradis. Il va dire, Seigneur, comment alors que les gens sont dans leur demeure et ont pris ce qu'ils devaient prendre? Il lui sera dit, serais-tu satisfait de posséder ce que possède un roi dans la vie d'ici-bas? Il va dire, je suis satisfait de cela au Seigneur. Il lui sera dit, tu as cela, son équivalent, son équivalent, son équivalent, et encore une fois son équivalent, et à la cinquième fois, il va dire, je suis satisfait de cela au Seigneur. Allah va dire, ceci est à toi, et 10 fois son équivalent, subhanallah. Tu as tout ce que tu désires et réjouis ton œil. Tu as tout ce que tu désires et réjouis ton œil. Il va dire, je suis satisfait au Seigneur. Jusqu'à la fin du hadith. Voilà la demeure des croyants et des bienheureux. Ça, c'est la première catégorie qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a citée. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala cite la deuxième, celle des malheureux, des mécréants. Il dit, de même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, c'est-à-dire les visages des mécréants seront recouverts de poussière qui est très laid et mauvais, recouverts de ténèbres, recouverts de noirceur, c'est-à-dire d'obscurité et de ténèbres. Les visages des mécréants et des criminels vont noircir, s'assombrir. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Ali Imran, verset 106, « Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit, « Avez-vous mécru après avoir eu la foi ? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Az-Zumar, les groupes, verset 60, « Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux ?» Fin du verset. « Leurs visages seront recouverts de ténèbres, car certes, ils désespéreront de tout bien, et ils sauront qu'ils font partie des malheureux et des perdants. » Et Allah subhanahu wa ta'ala les décrit ensuite comme « Oulaika humul kafaratul fajra ». Voilà les infidèles, les libertins, les pervers. C'est-à-dire ceux qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont mécru au bienfait d'Allah azza wa jal, ainsi que ses signes, ceux qui ont mécru au jour de la résurrection et jour du jugement, et les libertins, les pervers, les débauchés dans leurs mauvaises actions et dans leur désobéissance. Ils ont non seulement regroupé la mécréance et aussi la débauche. Deux caractéristiques, subhanallah, et leur refuge sera l'enfer éternel. Leur refuge et leur demeure sera l'enfer éternel. Allahu al-musta'an. Donc, yani, on doit se préparer, barakallahu fikum, pour ce jour. On doit se préparer pour ce jour terrible, hein, en accomplissant les bonnes actions. Tant que nous sommes dans un temps où on peut, là, on a la capacité, alhamdoulilah, de faire des bonnes actions. Donc, cette sourate, alhamdoulilah, on a terminé cette sourate, Azima, cette immense sourate qui contient beaucoup de rappel et d'exhortation, comme on a pu le voir. Naam, comme si, subhanallah, tu observais la situation ce jour-là, comme on a pu le voir. Et que c'est une chose yani cachée. Naam, car le Coran a clarifié toute chose. Naam. Alhamdulillah. Tayyib. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Et demain, bi'idnillahi ta'ala, on commencera la sourate qui vient après, sourate At-Takwir. Naam, inshallahu ta'ala. Jazakumullahu khayran wa baraka fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa ahsanallahu ilaykum. Et n'oubliez pas, inshallahu ta'ala, le prochain rendez-vous ce soir à 22h, heure française. Avec la suite des séries de cours de notre frère, le directeur du Merkaz Al-Ghuraba, qu'Allah le préserve et lui facilite, Youssouf Abou Abdelrazzaq. Naam, soyez présents, barakallahu fikum. Profitez, inshallah, profitez de ces jours, tant que nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Alhamdulillah. Et n'oubliez pas que ça fait partie des plus grandes œuvres pieuses, hein, d'étudier la science, naam, et de pouvoir ensuite la pratiquer. نعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته